بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ندخل اليوم في الحديث 97 هي 97 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى ركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. نصكت خواني ستجم حديث. البراء بن عازب رضي الله عنهما raconte qu'il était avec le Nabi صلى الله عليه وسلم en voyage et que ce dernier a accompli la salat du Isha, d'ailleurs en groupe, et qu'il a récité dans l'une des deux rakat, Wattini wa Zaytoun, la surat de Tin, qui est le figuier. Il dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un d'avoir une meilleure voix que la sienne, une meilleure récitation que la sienne. Je n'ai jamais entendu de meilleure voix, ni de meilleure récitation que la sienne. Non. Faqala fadilat al-shir ibn al-faymin. راوي البراء بن عازب رضي الله عنهما كل rapporteur c'est le Bara ibn Azib dont on a déjà parlé précédemment. موضوع الحديث le sujet du hadith بيان القراءة في صلاة العشاء الآخرة في السفر, qui vient de montrer justement qu'est-ce que l'on doit réciter dans la salat du Isha en voyage. يقول في الشرح الإجمالي l'explication globale du hadith. يخبر البراء ابن عازب رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفاره فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتين في صلاة العشاء الآخرة في ركعة الأولى منها, فما سمع أحدا أحسن صوتا ولا قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le hadith globalement expliqué, Al-Bara ibn Azib, de toute façon le hadith il est clair en lui-même. Al-Bara ibn Azib dit avoir été avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en sa compagnie en voyage et qu'il a entendu réciter, c'est-à-dire en salat al-Isha. Et en voyage, c'est une salat qui est de deux rakat. Le Isha n'est que de deux rakat. Elle est raccourcie la salat. Et de là, il a entendu réciter surat al-Tin dans la première rakat. Et il dit n'avoir jamais entendu de plus belle voix ni de meilleure récitation que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. فيقول في فوائد الحديث فمن الذي يصل معجل الحديث مشروعية القراءة في صلاة العشاء بالتين وشبهها في السفر qu'il est légiféré de réciter surat dans la salat du Isha surat التين et celle qui ressemble en voyage et même en dehors du voyage, cela est également permis. ثانيا مشروعية تحسين الصوت والأداء في قراءة القرآن, qu'il est justement également légiféré d'embellir sa voix lorsque l'on récite le Coran. D'ailleurs un hadith est venu dans le Ma'ana quand le Nabi صلى الله عليه وسلم من لا يحسن صوته عند قراءة القرآن فليس منا, que celui qui n'embellit pas sa voix lorsqu'il récite le Coran ne fait pas partie de nous. Après il y a un khilaf entre les gens, est-ce que ce hadith s'applique également lors de ce qu'on appelle les conférences, les allocutions ou les rappels, lorsque quelqu'un fait par exemple une conférence ou un rappel, lorsqu'il cite un verset du Coran, il embellit sa voix, dans le sens où il récite le psalmodie. Est-ce que cela est légiféré ou pas? Les savants divergent sur ce sujet-là. On a des hadiths qui sont clairs que dans la khutba du Jumu'ah, cela n'est pas permis. Qu'al Nabi sallallahu alayhi wa sallam indiquer les choses comme s'il était en colère, comme s'il était un commandant de troupes qui a avertissé ses troupes. Là-dessus, tous ils disent que dans la khutbah du Jumu'ah, on n'embellit pas savoir ce qu'on fait lorsque du Coran. Maintenant, en dehors, est-ce que cela est sunnah ou pas? Il y a une divergence par rapport à cela. Et l'avis qui me paraît moi comme étant le plus juste, c'est que cela n'est pas légiféré également, car il n'est pas été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait des rappels, lorsqu'il faisait des fatawa ou autre, lorsqu'il récitait le Coran, il embellissait sa voix. Ce n'a pas été cité. Car les gens qui font cela, qui embellissent leur voix lors des conférences, par exemple, ils se servent des hadiths généraux qui appellent à embellir sa voix lorsqu'on lit du Coran. On dit non, ça c'est. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on constatera que ceux qui voient cet avis-là, lorsqu'ils donnent un ders, un cours, ou qu'ils émettent, qu'ils répondent à une question, d'accord, ou qu'ils parlent à quelqu'un de façon commune, et qu'ils citent des versets, ils n'embellissent pas leur voix. Ils récitent le verset de façon normale. Donc on dit, si tu appliques le verset dans la conférence, tu dois l'appliquer dans toute situation, en dehors de la khutbah du Jumu'ah, lorsque tu cites un verset. Et ça, ils ne le feront pas. Donc on dit maintenant, c'est quoi la preuve que tu dois le faire lorsque c'est une conférence, et pas lorsque tu fais un cours, par exemple. Ou pas lorsque tu fais une fatwa. Car dans les deux cas, tu prends le hadith général. Donc lorsqu'on pose la question là, jusqu'à présent, on ne connaît pas la réponse. Donc si quelqu'un qui entend ce cours un jour a une réponse à nous faire profiter, qu'il le fasse. Sans quoi, l'avis de ceux qui disent que c'est une chose qui est mordesse, qui est nouvelle, innovée, paraît comme étant plus évident. Comme c'est le cas de Shirel Fozen, par exemple. Lui, il voit cela. D'accord. Et son call, Yanni, dans ce point-là, je le vois comme étant, en ce qui me concerne moi, comme étant correct. Wallahu ta'ala a'lam. طيب ثم قال في الفائدة الثالثة حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخفف القراءة في الصلاة هل السفر للناس مسافر في حاجة إلى التخفيف غالبا. Donc ce qui montre comment le Nabi صلى الله عليه وسلم observait bien justement les gens qui étaient avec lui, leur situation, du fait qu'il allégeait la salat, plutôt la récitation de la salat, lorsqu'il était en voyage. Car le voyageur, en général, a besoin justement que sa salat lui soit allégée. Car souvent il est pressé, ou souvent il est fatigué, ou elle est allégée. Donc la sunna, d'ailleurs c'est pour cela que la salat elle a été elle-même raccourcie, donc il en va de même pour la récitation qu'on y fait. Wa kaza. Wallahu ta'ala alam. Falhamdulillah bil alamin.